Mais dis-moi ce qui se passe, car j'ai mal à la tête. Pour refaire surface, j'ai du boycotter. Vas-y viens, on fait la guerre. Si tu veux c'est maintenant. Minuit c'est l'heure des fêtes, mais c'est l'heure du Maidan. Malia, Malia, Malia, Malia, Malia, Malia, Malia, Malia, Malia, Malia, Malia, Malia. Hola chica, tu es un Omega Kama. 4h du mat, 3 négros types dans le derrière de mon camo. Moi j'ai vendu des grammes, j'ai pas tapé la gamelle. Viser la lune, ça fait pas peur, j'suis en fit avec Kamel. A chaque jour un risque, je prie envers l'éternel. Paradis est sous les pieds de ma mère, j'ai du shit sous les semelles. Tu sais, nous on volait, cambriolet, passant par les volets. Un tatouage sur la chatte, bébé, je vais lire sur tes volets. T'es pas un OG, les autorages t'es car t'es un vendu. Je suis triste, j'entends que M c'est pendu. Les minutes défilent sur ma pendu. Je suis prêt, je sais que la guerre est lancée. Ils ne savent même plus sur quel pied danser. Je suis dans le game, je sais qu'on me déteste. Et je monte en grade grâce au bendo, grâce au bang bang bang. Mais dis-moi ce qui se passe, car j'ai mal à la tête. Pour refaire surface, j'ai du boycotter. Vas-y viens on fait la guerre, si tu veux c'est maintenant. Minuit c'est l'heure. A chacun de me dire cherche la véracité. Les vrais, les focus se cachent dans la cité. Si je dois dire les noms, j'ai trop de blase à citer. J'parle même Jaranke, ouais j'talenté. Scoudi n'écoute pas tous ces garantés. T'es mon frère, mais la haine entre parenthèses. La rue nous a fait nous apparenter. Ok. Et j'cracherai ma haine, arcant sur du piano. Et j'reviens à la raison. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce moment? Ils ont le seum. On a brouillé le réseau. C'est pour tous les charros. Mais dis-moi ce qui se passe, car j'ai mal à la tête. Pour refaire surface, j'ai du boycotter. Vas-y viens on fait la guerre, si tu veux c'est maintenant. Minuit c'est l'heure des fêtes, mais c'est l'heure du Maidan. Pour refaire surface, j'ai du boycotter. Vas-y, viens, on fait la guerre.